on avait, vous savez, ici on vivait en autarcie, hein, ça il faut bien voir qu'il y avait en autarcie, tout le monde, donc on avait, qu'est-ce qu'on achetait ici, moi du temps, bon, on achetait beaucoup plus de choses, parce que quand même déjà, le pays s'était ouvert vers l'extérieur, les échanges commerciaux étaient plus importants, mais du temps de mes grands-parents, etc., bon, on avait des poules, on avait des lapins, donc on avait des œufs, on avait le cochon, donc qu'on utilisait toute l'année, on avait la farine, on avait, bon, voilà, on chassait, on pêchait dans la rivière, on chassait dans la nature, et avec ça, on avait 90% des besoins alimentaires. On achetait quoi ? On achetait l'huile, le sel et le pinard, voilà, ou éventuellement, il les échangeait. Mais ça, vous pourriez en discuter avec ma mère, parce que ma mère, elle a quand même des souvenirs assez précis là-dessus. On pêchait beaucoup, on pêchait très naturellement, on mettait des lignes, on mettait des petits filets, on pêchait beaucoup dans le canal d'amener d'eau. Moulin. Parce que ce canal d'amené d'eau avait un débit beaucoup plus régulier et beaucoup plus lent que celui de la rivière, dont les truites venaient frayer dans ce canal. Et juste au-dessus de ce canal, à l'emplacement où le canal rentre dans le moulin, il y a une fenêtre, bien sûr, et on pêchait par la fenêtre. Mais c'était une époque où on prenait ce qu'on voulait, comme on voulait, tant qu'on voulait. Moi, je me souviens, ma mère dire à mon père, bah, tiens, aujourd'hui, on va manger des truites, combien tu en veux ? Oh, j'en veux 10. Et bien, une heure et demie après, il y en avait 10. C'est comme ça.